Bonjour à toutes et tous, bienvenue, vous êtes à bord de Radio Web Passion. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2020. Meilleure année, meilleurs vœux à vous toutes et tous qui nous écoutez actuellement. Et je voudrais également souhaiter une très très bonne année et la bienvenue à Didier qui va se présenter. Didier va être un futur animateur de Radio Web Passion avec une émission plutôt rock années 70. Didier, sois le bienvenu dans les studios de Radio Web Passion. Bonjour Jean, bonjour tout le monde et évidemment bonne année et bonne santé à tout le monde. Merci Didier. Alors, parle-nous un peu du concept de ton émission qui va bientôt arriver. Et d'ailleurs, donne-nous un peu des dates si tu es déjà à peu près calé. Les dates de début d'émission, je pense qu'on pourrait commencer dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, je ne serai point sur Orléans d'ailleurs. Donc voilà, donc ce qui va décaler tout d'une semaine. L'émission va s'appeler Hot Rods. Voilà, Hot Rods, c'est des petits bolides américains customisés qu'on trouvait surtout dans les années 60. D'accord. Voilà, et qui reviennent un petit peu à la mode, voilà, qui sont symboles un petit peu pour moi, de ce genre de musique des années 70, assez rock, assez hard, et blues. Alors on aura une partie plutôt variété et on aura une partie plutôt groupe un peu méconnu. Ouais. Alors déjà l'émission donc ça va être le mercredi à partir de 18h. D'accord. Voilà, et jusqu'à 20h, donc 2 heures d'émission, ça va être long mais ça va être bon. Donc on va commencer à 18h avec une partie plutôt classique rock avec des groupes très célèbres comme Queen, AC/DC ou Aerosmith, etc. Et puis on aura une deuxième partie qui va être plus basée sur des groupes méconnus. On va essayer de vous faire découvrir des petites pépites qui sont sorties dans les années 70 et qui n'ont pas eu le succès commercial qu'elles auraient dû avoir. Et pourtant, qui faisait de très bonnes choses. Voilà, c'est ça. Alors, ça peut être des chansons très longues aussi, évidemment, puisque dans les années 70, on arrivait encore à faire des morceaux qui duraient 11 minutes et ça passait quand même à la radio. Super. Donc, on a à d'y être. Ce sera donc le mercredi de 18h à 20h, n'est-ce pas? Ouais. Donc, j'ai envie de dire que c'est la journée des enfants, les enfants du rock. Non, ouais, là, c'était facile. Ouais. Ouais. C'est un beau compliment, en plus, d'être voilà. Enfant du rock. Exactement. Ouais. Et puis, bah là, tu vas nous faire un peu écouter quelques morceaux, quelques standards, peut-être, non? Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai prévu une petite playlist à peu près 45 minutes, une heure. Avec des standards, avec des groupes assez connus, et puis des groupes que je vous ferai découvrir après sur la deuxième partie de la journée, de la soirée. Eh ben impeccable. Eh ben écoute, Didier, la bande FM, non, la bande web t'appartient. Oh. À toi de faire vibrer tous nos rockers et de nous faire vibrer aussi également à bord de Radio et de Passion. Excellente continuation. En compagnie de Didier. Merci Jean, à bientôt. Bon, bah je prends les rênes donc de l'émission. Donc l'émission, je l'ai dit tout à l'heure, elle va s'appeler Hot Rods. Elle sera consacrée uniquement à des artistes et à des musiques des années 70. Elle ne sera pas animée par Didier, mais par quelqu'un qui s'appelle John Rochford. Voilà, et qu'on pourra surnommer Jackal. Donc je vous en prie, appelez-moi Jackal. C'est parti, c'est tout de suite, c'est Hot Rods. Vous écoutez Radio Web Passion. Voilà, c'était Scratch My Back. Le groupe s'appelle Sex. Donc, c'est un titre de 1971 qui est tiré de leur premier album éponyme. Ce sont des Canadiens. Et comme leur nom l'indique, la plupart de leurs paroles parlaient explicitement de sexe. Voilà. Et juste avant, on s'est écouté Hard Stuff avec le titre qui s'appelle Hobo. Donc, des Anglais de Hard Stuff, aussi connus sous le nom de Damon ou de Bullet à leur début. Avec Hobo, donc un titre extrait de leur premier album de 1972 et qui s'appelle Bulletproof. Voilà, c'était une manière de commencer l'émission. Ça s'est pas commencé comme je le voulais parce que moi je voulais que ça parte avec des titres un petit peu plus connus, un petit peu plus célèbres. On est passé sur de l'obscur. Eh ben, on va repartir dans les célébrités, dans les classiques. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un groupe qui s'appelle Free et le titre c'est All Right Now. She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, now, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you hate or hesitate. Let's move. Home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, look, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. What's your game? Are you trying to put me in Three avec All Right Now, donc le groupe de rock britannique, d'où des extraits de l'album Fire and Water qui est paru en mai 1970. Maintenant, on va s'écouter un groupe qu'on présente plus puisqu'il s'agit de AC/DC. On va écouter le morceau qui s'appelle Livewire, c'est extrait de leur album TNT, donc en version australienne, leur deuxième album paru en 1975, et que l'on peut également trouver sur l'album High Voltage, sur la version internationale, celle qui est sortie en 1976. Thank you. Voilà, ça c'était Jeff Rothwell avec Aqualand, extrait de leur album le plus populaire sorti en 1971, qui s'appelle d'ailleurs Aqualand. Ce que je vous propose maintenant, c'est de refaire un petit retour en arrière, un petit retour côté blues avec Fred McDowell et Hugo D'Amour. You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But one day long, get ready, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, you may be poor, but one and all, get ready, you got to move. You see that woman that walked the street. You see that policeman out on his beat. But when in love, get ready, you got to move. You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But when and all, get ready. Destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall time we cried? Break on through to thank you. Voilà, c'était un classique parmi les classiques The Doors avec Break On Through, tiré de leur premier album, qui s'appelle d'ailleurs The Doors. Et tiens, j'ai fait une entorse au règlement, il est de 67 celui-là. Voilà. Juste avant, on a écouté dans les racines du blues Mississippi Fred McDowell avec You Gotta Move. Donc c'était You Gotta Move, un blues écrit donc par Fred McDowell et le révérend Gary Davis en 1965. Une chanson d'ailleurs qui a été reprise par de nombreux artistes, notamment Aerosmith dans leur album Honking on Bobo en 2004, mais surtout, en 1971, ce sont les Stones, les Rolling Stones, qui l'ont repris sur leur fameux album Sticky Finger avec la pochette mythique de la braguette. Voilà. Je vous propose qu'on écoute maintenant un petit Led Zeppelin, donc tiré de l'album 4. Qui est sorti en 1971. Alors ce fut le premier single de l'album, il est sorti le 2 décembre 71 avec en face B Misty Mountain Hop. Voilà, le titre s'appelle Black Dog, il tire son nom d'un labrador noir qui errait dans le studio où le groupe avait l'habitude d'enregistrer cet album. Le groupe lui avait pas donné de nom, non, si ce n'est ils l'ont appelé le chien noir. Cependant, rien dans les paroles de la chanson ne fait référence à ce chien noir. Voilà, ça c'était Led Zeppelin avec Black Dog, un morceau de 1971. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un petit tour du côté actualité, c'est-à-dire qu'on va s'écouter un morceau actuel qui est sorti il n'y a pas longtemps, puisque c'est un morceau qui a été édité le 12 janvier dernier de cette année. Le groupe s'appelle Isle of March, c'est un groupe allemand, et le titre s'appelle Psycho Pompos. les tubes d'hier à aujourd'hui sur une seule radio. Radio Web Passion. Voilà, c'était un petit son 2020, un psypopompos avec The Hill of March, donc un groupe allemand qui vient juste de sortir son premier EP le 12 janvier. Eh bien, on arrive au dernier morceau de la soirée. On va rester dans l'esprit 1970. Le morceau s'appelle Finding Out et c'est chanté par Cargo. Sensing something I to be secret, always playing what they say and finding out that's really me. Now we have this language, kind of loose and change from super good. The remain is what we're playing, finding out that's really me. Monday. night, searching some third eye to consider it. Always playing what they say and finding out that's really me. Now we have this thing, we got that blitz and chicken from Super Kid. The remit is what we're playing, finding out that's really me. Voilà, c'était Cargo avec Finding Out. C'était le dernier morceau. Il est temps pour moi de rendre le micro, de repasser à une émission normale maintenant. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous donne rendez-vous donc le 29 janvier pour la toute première de Jackal sur Radio Web Passion. Merci, au revoir. Radio Web Passion, il est 18h. Bonne soirée.